folie quand j'entends parler de haine. Aucune limite n'est permise car l'horreur est humaine. Crier sa rage, lâcher sa haine et sa rancœur, je relativise avant de rejoindre le Seigneur. J'ai pas beaucoup d'amis et dans ma famille, la solidarité c'est comme la famine, même s'ils font mine. Moi je suis un putain de rageux et même pris dans l'entourage. L'ennemi sent la force de mon courage. J'ai l'instinct de cité pour les difficultés et pour insulter les fils du pute. J'ai personne à consulter. Comment rester calme alors que le respect canne? On veut juste traîner des culs sur de grosses bécanes. Aujourd'hui, une bonne partie de mon peuple est perdu parce qu'ils trouvent cette putain de vie trop redue. Regarde la gueule des trottoirs, ici on vit dans la merde. Et la mort est beaucoup plus présente que l'amour. De Mouniem au Kipout qui est à l'équerre. Pour moi c'est tous des potes qui viennent du Caire. Et je m'aperçois qu'ici, malgré les nombreux décès, les esprits sont indécis. J'ai le cerveau en conflit quand j'entends parler de haine. Aucune limite n'est permise car l'horreur est humaine. Crier sa rage, lâcher sa haine et sa rancœur, je relativise avant de rejoindre le Seigneur. J'ai le cerveau en conflit quand j'entends parler de haine. Aucune limite n'est permise car l'horreur est humaine. Crier sa rage, lâcher sa haine et sa rancœur, je relativise avant de rejoindre le Seigneur.